Ils écrivent et en plus ils causent. Présenté par K00. Bonjour, Christian Martin au microphone. Merci à Cathy pour l'invitation à participer à cette petite émission. Je vais vous présenter un bref résumé des hauts faits de mon itinéraire de lecteur au cours des années. J'ai vraiment commencé à lire pour le plaisir à l'âge de 12 ans, quand j'ai découvert la bibliothèque de l'école secondaire où je venais d'arriver. Avant ça, je n'avais été que peu exposé aux livres. On en avait guère à la maison et il n'y avait pas vraiment de bibliothèque à l'école primaire que je fréquentais jusque-là. Je me souviens encore de mon émerveillement quand je suis entré pour la première fois dans la bibliothèque de ma nouvelle école. Des livres partout! Je devais avoir les yeux grands comme des assiettes. Je ne sais pas trop pourquoi, mais la première section que j'ai explorée est la section québécoise. J'y ai trouvé avec ravissement les œuvres de Félix Leclerc, Adagio et les autres. Puis, j'ai découvert Un homme et son péché de Grillon et les romans de Lemelin, dont Les Ploufs. Ce fut mes premières découvertes. C'est également à cette époque, je crois, que j'ai découvert les romans de Gabrielle Roy. Superbe auteure canadienne, franco-manitobaine. Elle savait me transporter dans son univers, m'y plonger totalement. Après toutes ces années, je me souviens encore de scènes fantastiques qu'elle dépeignait avec brio sur la toile de mon imaginaire. La montagne secrète est, je crois, le livre d'elle qui m'a le plus marqué. Cet homme, ce peintre, seul, au centre de ces paysages grandioses. Comme j'aurais voulu, et comme je voudrais encore, pouvoir écrire comme elle. Voici une brève citation d'ailleurs tirée de La montagne secrète. Tout homme est rare et inimitable par ce que la vie a fait de lui ou lui d'elle. Sait-on comment cela se juxtapose, se mêle et se pénètre? Puis, dans cette bibliothèque de mon école secondaire, je suis tombé sur Bob Moran et ce fut la folie furieuse. Je crois avoir passé les 4 années suivantes à lire tout ce qui était disponible à l'époque, soit un peu plus de 100 romans. Je n'ai pas lu grand-chose d'autre à ce moment-là. Je me souviens, en secondaire 3, le professeur de français décida de passer de la théorie à la pratique et nous fit écrire un livre. Mon premier roman. Encore inédit, évidemment. Et, oh, surprise! La trame, le type d'histoire, le ton ressemblait étrangement à du Bob Moran. Voici comment débute La vallée des brontosaures de Henri Verne. La nuit était tombée sur la rivière Ngolo. La grande roue à aubes du steamer brassait des mètres cubes d'eau boueuse. Sur chaque rive, la forêt équatoriale retentissait de ses 1000 bruits coutumiers, cris d'animaux faisant songer à des grincements de scie, des fanfares de trompettes, des battements de fer contre fer, des rires de démons avec, tout en haut de cette gamme barbare, des plaintes de flûte enrouées. À l'arrière du bateau, l'homme accoudé à la lisse semblait écouter cette rumeur de jungle avec ravissement. À vrai dire, ce n'était guère la première fois qu'il l'entendait. Il s'en fallait de beaucoup. Mais chaque fois cependant, il y trouvait un plaisir renouvelé, un peu comme un ivrogne ne cesse de trouver sa joie dans l'alcool. L'homme redressa sa haute taille et la lumière de la lune éclaira en plein son visage bronzé et dur, aux pommettes saillantes, au menton volontaire et au front surmonté de cheveux drus et noirs taillés en brosse. Un léger sourire retroussa sa lèvre supérieure. « Allons, songe-t-il, je ne serai jamais qu'un civilisé manqué. Peut-être ai-je le complexe de Tarzan et va-t-on un jour me retrouver en pleine jungle, vêtu d'une peau de bête et en train du haut de mon arbre de faire des grimaces aux voyageurs de passage. » Et bien sûr, aussitôt on nous parlait d'un homme aux pommettes saillantes, puis les cheveux coupés en brosse, nous savions tout de suite qu'il s'agissait de Bob Moran. Oui, Bob Moran. Que de souvenirs. Vint alors la rentrée au collège. J'avais 16 ans. Une des premières choses que je fis fut de chercher la bibliothèque. Quand je l'ai trouvée, j'ai découvert en même temps nombre de titres que ne comptait pas la bibliothèque de ma précédente école. C'est là que je suis tombé sur les titres du Fleuve Noir Anticipation. Et ce fut à nouveau, comme pour les Bob Moran, la folie furieuse. Immersion complète dans la science-fiction populaire, je fus conquis. Wool, Steiner, Guilleux, Scheer et Dalton, Le Chevalier Cagdor, L'Orpheline Perdide, Perry Rodden, D.A.S., Voyage fantastique, Évasion garantie. Après le collège, je me suis mis à emprunter des livres à la petite bibliothèque qui avait ouvert entre-temps au village. C'est là surtout que j'ai découvert les grands classiques de la SF avec Asimov, la série Dune de Herbert et plusieurs autres. Plus ou moins parallèlement, je me suis abonné au Science Fiction Book Club. Moi qui ne lisais presque pas d'anglais, je m'abonnais à un club de livres de science-fiction dont tous les titres étaient en anglais. Un des premiers titres reçus, The Dragon Riders of Pern, d'Anne McCaffrey, le gros omnibus contenant trois romans. Lecture lente et ardue d'abord, mais aussi ravissement total. Superbement écrit, dans sa version originale, hein, j'entends. Superbe histoire, un univers génial. Je me souviens avoir répété encore et encore, « Ah, si je pouvais écrire comme elle !» J'ai passé quelques nuits blanches à lire ce gros volume. Anne McCaffrey était la deuxième auteure dont j'enviais le talent. Anne McCaffrey. Je dois avoir lu à peu près tout ce qui portait son nom. Même ses deux romance novels. Mais la saga de Pern reste ma préférée de cet auteur. En fait, Anne McCaffrey est sans doute l'auteur que je préfère entre tous. Une scène de son roman « Dragon Song » m'a d'ailleurs inspiré une musique. Il s'agit de cette scène où Ménolie, cherchant pitance pour sa famille de Fire Lizards, est surprise par une averse de Phil, ces organismes venant de l'espace qui bouffent tout ce qui est vivant. La jeune Ménolie prend la fuite et est sauvée in extremis par un Dragon Rider. Voici ce que ça donne. Thank you. Après avoir lancé tantôt un petit fanzine de SF et fantastique que j'ai dirigé pendant 7 ans, j'ai eu l'occasion de découvrir des auteurs de SF et de fantastique contemporains d'ici et d'Europe. La série de Yorg d'Alain Le Bussier est sans doute celle que j'ai préférée dans ces années-là. Voici ce que dit la quatrième de couverture. De l'homme qui avait déclenché le cataclysme, on ne savait rien. Son arme suicide attendait en orbite. Un simple signal et une pluie empoisonnée avaient réduit la civilisation à néant. 5 siècles plus tard, la surface de la Terre restait livrée aux barbares immunisés. Sous leurs pieds, quelques milliers de survivants, terrés comme des rats, qui avaient eux aussi perdu la culture des anciens. Mais, quelque part dans l'ombre, une poignée d'hommes préparait la reconquête du savoir. J'ai aussi beaucoup aimé La taupe et le dragon de Joël Champetier, Chronique du pays des mers d'Elisabeth von Arbour et la trilogie Le sable et l'acier de Francine Pelletier. La taupe et le dragon de Joël Champetier, paru en 1991 chez Québec Amérique et réédité, je crois, chez Alire. Voici comment débute le chapitre 1. Dans l'astroport de la Nouvelle-Chine, le tumulte régnait. Une masse compacte d'immigrants chinois bloquait complètement les corridors du vaste bâtiment, trop excités pour prêter attention aux signes des officiers de la sécurité ou aux vociférations des haut-parleurs. De peine et de misère, Régent Tanner se dégageait de l'engorgement et réussit à s'enfuir jusqu'à un coin moins achalandé. Il aperçut le commandant Wang Zong qui lui avait réservé une place sur un des rares bancs encore libres. Tanner remercia son supérieur, puis s'assit avec un soupir de soulagement, épuisé par l'éprouvante rentrée en navette atmosphérique et par les heures à faire le pied de grue à la douane. Il se massa le front. Il avait la nausée et une migraine d'enfer lui fissura le crâne. Après 6 semaines de voyage interstellaire, son corps avait perdu l'habitude de la gravité. Je me souviens aussi avoir apprécié certains titres de Jean-Louis Trudel. Parmi les jeunes auteurs que j'ai publiés dans tantôt, 3 noms me sautent à l'esprit. Mario Fecteau, Claude Bauduc et Hugues Morin. Mario pour son imaginaire, Claude pour son humour et Hugues parce que je ne pouvais jamais différencier dans ses fictions l'aspect fictif de l'aspect biographique. À peu près tout ce qu'il écrivait me semblait archi-crédible, même l'invraisemblable. Il a un réel talent pour ça, Hugues. Pendant quelques années, j'ai aussi beaucoup lu d'ouvrages dits ésotériques. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais un titre m'a particulièrement marqué dans le lot, La vie des maîtres. Chez les contemporains, je ne peux absolument pas passer sous silence les livres de Murois Givaudan, surtout Mémoire des saignées et Chemin de ce temps-là. Pendant les années où je fréquentais assidûment une petite bouquinerie, Econolivre pour ne pas la nommer, pas très loin d'où je demeurais à Sherbrooke, je me souviens avoir acheté et lu avec grand plaisir plusieurs livres de la série Star Trek, en anglais évidemment, plusieurs Arsène Lupin, en français évidemment, plusieurs Agatha Christie, tout ce qui était disponible dans la série de Cat Who, ainsi que plusieurs auteurs de policiers britanniques classiques. Oh oui, je suis également devenu un grand amateur des aventures du Chief Inspector Island, de Niall Marsh. Ce que je lis présentement, un roman fanique Perry Rodden par Pierre Monneret. Parallèlement, j'écoute quelques audiobooks, Oliver Twist, Le Dernier des Mohicans, Menkel, et plusieurs audiodramas, tous en anglais. Prometheus Theater, Batman, Wonder Woman, Catwoman, The Shependent Production, Star Trek, Star Wars, etc. Bref, j'ai un faible marqué pour la SF et la fantasy. Et tout ce qui peut me faire voyager par mon imaginaire. Musique, slow relaxation, Alban Le Psy, licence art libre.